Sur la transversale est présenté par Passion Soccer Boutique, Vaudreuil, Laval, Saint-Léonard, le choix des joueurs. Sur la transversale avec Kevin Laramé, la seule émission entièrement dédiée à l'Impact de Montréal et au FC Montréal. Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la transversale. Kevin Laramé ici aux commandes de l'émission après match Montréal 0, New York 4 au Red Bull Arena. C'est pas vraiment New York, c'est au New Jersey. Mais quand même, l'Impact a mangé une volée ce soir, 4-0. Ça aurait bien pu être encore pire. Ça m'a du mal sorti, là, mais... Ça rappelle pire pour l'Impact de Montréal. 4-0 après première demi. Commençons par le début. Choix intéressant de Mauro Biello pour le 11 partant. Anthony Jackson-Hamel en pointe. Jean-Yves Baloutabla. Dimali Salazar, les milieux offensifs. Milieu défensif, Bernardello Bernier. Lovitz, Fischer, Simon et Duval. Et Crépeau dans les buts. Duval retrouvait le côté droit, Lovitz le côté gauche. Ça n'a pas été facile pour l'Impact de Montréal au complet. C'est une défaite collective. C'est le collectif qui a échoué ce soir pour l'Impact de Montréal et Mauro Biello. Pas nécessairement que des décisions, mais on oublie Maxime Crépeau dans les buts. Grosse décision, premier départ en MLS pour Maxime Crépeau. C'est pas qu'il a mal fait, il a été testé à plusieurs reprises par les Taureaux Rouges du New Jersey, mieux connu sous le nom des New York Red Bulls. Un match en une façon, comment je pourrais déterminer, expliquer, résumer ce match, une domination complète des Red Bulls. Quasiment toutes les statistiques importantes en faveur des Red Bulls. L'Impact était chanceux de s'en tirer en première demi avec seulement un but concédé sur le penalty à Daniel Royer, qui était le joueur de la semaine en passant dans la Major League Soccer. En feu, comme on pourrait dire, Daniel Royer. Il était en feu ce soir aussi. Deux buts pour Daniel Royer, le premier et le dernier des Red Bulls. 4-0 encore une fois. Un match difficile, difficile pour l'Impact. 24 tirs au but pour les Red Bulls, 5 pour Montréal. Et il n'y a même rien à dire. C'est pas un joueur en particulier. On peut parler de la chimie inexistante entre Piatti et Dimali. Piatti, pour le deuxième match de suite, rentre plus tard dans le match et aucun impact, quoi que ce soit, aucune influence sur le déroulement du match. Et les seules chances qui ont été créées pour l'Impact, c'est en première demi. Quelques occasions, Anthony Jackson et Balou qui ont été manqués hors cible ou quelque peu ou arrêtés. Mais encore une fois, l'Impact n'a pas été capable de créer le moment, la chance. Et défensivement, ce soir, c'était atroce. C'est pas un jeu en particulier, c'est la pression constante des Red Bulls sur chaque jeu, sur chaque ballon. Premier sur chaque ballon, l'Impact a passé la soirée à courir après un joueur des Red Bulls avec le ballon. C'était un peu un... Je ne veux pas dire que c'était une comédie d'erreur, non. Mais pour l'Impact, ils n'ont jamais trouvé le rythme. Ils ont défendu depuis le premier sifflet du match. Il y a eu des occasions marquées de New York. Il y a eu un penalty qui aurait dû être appelé contre l'Impact quelques minutes avant le penalty qui a été appelé. Maxime Crépeau qui a été testé encore une fois toute la soirée. 24 tirs au but contre Maxime Crépeau ce soir. 6 arrêts pour Maxime Crépeau. Il y a 6 tirs au but des Red Bulls qui ont été bloqués, 7 hors cible, 6 arrêts par Maxime Crépeau et 4 buts. Ça fait 24. Ouais. Ton premier départ à MLS, 24 tirs. Ça aurait pu, si c'était pas des arrêts de Maxime Crépeau, quelques belles parades en première demi et un arrêt à bout portant. Et Kyle Fischer, le sauveur, encore une fois, en espérant que sa blessure n'est pas trop sérieuse, un dur choc entre deux têtes. Je me rappelle plus le joueur des Red Bulls. Faudrait j'aille vérifier. Mais un autre contact solide de la tête de Kyle Fischer. On va voir si il est capable de dans les prochains jours, voir s'il n'y a pas de symptômes en espérant qu'il n'y ait pas de symptômes post-commotion, en espérant qu'il n'y en a pas dans les prochains jours. Mais pour Kyle Fisher, il y a un sauvetage sur la ligne pour empêcher Red Bulls à ce moment-là de prendre les devants 2-0. C'était quand même inévitable. On le savait que si l'Impact ne faisait pas des gros changements en mi-temps et changeait un peu l'attitude, un peu... pas seulement changer tout tactiquement, pas seulement tout changer non plus à mi-temps, mais changer un peu l'intention de jeu. Au moins, d'essayer de trouver un moyen de bloquer. Habituellement, l'Impact trouvait un moyen, oui, qui faisait beaucoup de fautes au milieu, mais trouver un moyen de stopper la transition. Et cette fois-là, ce soir, les transitions n'ont jamais été arrêtées par les Red Bulls. C'est pas une transition, c'était constant. C'est une pression constante. Deux joueurs toujours sur le porteur de ballon lorsque l'Impact avait le ballon et lorsque New York avait le ballon, toujours un joueur présent pour recevoir la passe, continuer le mouvement. S'il faut reculer, il faut reculer, mais quand même, ça donnait toujours une impression de domination des Red Bulls, de pression aussi. C'était toujours sur vous. C'est comme s'il y avait toujours deux joueurs sur vos épaules à chaque fois. Et les joueurs de l'Impact, lorsqu'ils se retrouvaient à avoir une chance, comme Jackson, comme Ballou, ben, il y avait toujours un joueur sur eux. Il n'y avait pas le temps nécessaire ou l'angle ou le momentum ou le placement parfait pour pouvoir frapper le ballon en direction du but. Ils n'ont jamais eu la chance idéale. Ils ont eu un 2 contre 1, mais qui a bien été défendu, encore une fois, par New York. Et pour l'Impact, ils se retrouvaient avec un tir au but, soit qu'il y avait quand même la pression du défenseur ou que le tir était hors cadre. Donc, ça a été quand même une soirée extrêmement difficile pour les attaquants. Et Dimali, depuis le troisième match de suite, Blérim Dimali est un peu effacé. On dirait que de... Je sais pas si c'est le temps. Depuis qu'il est revenu de ses 10 jours de vacances durant la pause de la Gold Cup, ce n'est plus le même Dimali qu'on l'a vu durant le mois précédent. Est-ce une coïncidence? Espérant que oui. Parce qu'on voudrait tous voir un Dimali en forme. Un Dimali influenceur de jeu. Comme on l'a vu, ses quelques premières apparitions pour Montréal, dans ses 4 premiers matchs, il était responsable au-dessus de 60% des buts de Montréal, soit marqué lui-même, soit par des passes décisives. Mais depuis la pause de la Coupe d'Or, mieux connue sous le nom de la Gold Cup, Dimali, ce n'est pas le même joueur. Pas la même influence. Pas la même patience. Avec les arbitres, avec les joueurs adverses, avec ses coéquipiers même, les regards, s'il suffisait qu'il y ait des couteaux dans ses regards, il y a un nombre certain de ses coéquipiers qui seraient blessés présentement. Dimali, il y a des bonnes idées et des bonnes intentions. Ça me rappelle un jeu ce soir contre New York. Dimali, il est tellement plus habitué maintenant d'être bien placé. Passe à Bernier. Bernier fait un excellent beau jeu pour se faire un petit peu de place pour pouvoir effectuer une passe vers un coéquipier qui devrait être placé là, mais tellement que Dimali n'est pas habitué qu'un joueur fasse des beaux jeux, il n'a pas vraiment joué autant avec Bernier que voulu durant les derniers mois, durant l'absence de Bernier à la Gold Cup, ben il n'y a pas de coéquipier là. Puis lorsque Dimali a vraiment l'intention, l'idée, crée un beau jeu, fait de l'espace, passe le ballon, prépare un tir au moins, prépare une chance sur un plateau d'argent, mais le coéquipier n'est pas là pour le finir. Donc il y a un manque de... pas de communication, c'est un manque d'être capable de partager l'idée qu'on va avoir. Mais c'est impossible, ils font pas de la télépathie. Donc c'est dur de greffer l'intelligence footballistique, pour sortir mes mots du dictionnaire, à ses coéquipiers. Donc c'est que ça un peu qu'il faudrait faire. Il faudrait trouver un moyen que les coéquipiers de Dimali pensent comme Dimali. Comme ça, ben il y aurait un meilleur pourcentage de passes, surtout ce soir. 60% des passes effectuées étaient complétées pour l'impasse, donc 40% étaient manqué. C'est un chiffre qui est très, très contradictoire lorsqu'on regarde les Red Bulls qui ont un taux d'efficacité de 83%. Puis pour les Red Bulls, c'est une stat qui est normale. Ils ont habituellement, cette année, même plus haut que ça durant ses succès. Parce que présentement, ils sont 5e dans l'Est, mais ils ont eu un très difficile début de saison. Durant les dernières semaines, les Red Bulls, c'est un peu une équipe de l'heure dans la Ligue. Oui, il y a Philadelphie qui était 6-3-1 dans ses 10 derniers. Les Red Bulls, similaires aussi. Donc, Jesse Marsh, qui en passant depuis quelques semaines est devenu l'entraîneur avec le plus grand nombre de victoires pour les Red Bulls de New York. Jesse Marsh a un autre victoire comme Montréal. On sent aussi qu'il y a une certaine tension des deux équipes. À chaque fois que les équipes s'affrontent, On remarque une certaine rivalité qui s'est créée lors des dernières années en série, en Champions League, mais surtout l'année dernière, durant les séries, lorsque l'Impact de Montréal a été un peu surclassé, mais a trouvé le moyen de gagner en série. Oui, le grand cliché que la meilleure équipe n'a pas gagné, mais l'équipe qui a mieux géré la série, qui a mieux été capable de bien contrôler ses émotions, de jouer le jeu, de bien faire les... Si on se rappelle, durant la playoff run, durant la course aux séries de l'Impact l'année dernière, ils ont trouvé un moyen de gagner lorsque c'était pas seulement l'équipe la plus favorite. Ils ont trouvé un moyen en tuant le jeu un peu au milieu, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire ce soir. Dans le fond, il faudrait retrouver l'esprit de tueur de jeu du milieu comme l'Impact avait en série l'année dernière. Pour revenir au match de ce soir, rapidement, là, 553 passes effectuées par les Red Bulls de New York contre 251 pour Montréal. Parce que Montréal, c'est pas qu'ils voulaient pas faire de passes, mais il n'y avait pas le ballon. 68,9% de possession pour New York, ce qui laisse un maigre 31,1% du ballon. Puis ce 31,1% du temps-là, c'est avec un ou deux ou trois ou quatre joueurs des Red Bulls dans les talons. Oui, l'Impact a gagné plus de duels, 44 contre 37, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Impact avait souvent l'obligation d'aller au ballon puis de se battre pour aller voir le ballon, donc de créer le duel parce qu'il courait après le jeu. Parce que New York ne laissait aucune chance à l'Impact d'avoir deux, trois passes consécutives pour créer une possession. Non. Red Bulls tuait la possession de l'Impact, regagnait possession et créait du mouvement et allait vers l'avant. Oui, l'Impact a plus de tacles ce soir aussi. 15 contre 11 pour New York. Mais ce que ça veut dire, ça, c'est que l'Impact devait enlever le ballon plus souvent à l'adversaire parce qu'il ne l'avait pas. Et oui, plus d'arrêts pour Maxime Crépeau que Luis Robles. Montréal a 5 tirs au but. 2 cadrés, 2 arrêts pour Luis Robles. Oui, Montréal a plus de dégagements que New York, encore une fois. 25 pour Montréal, 15 pour New York. Une stat qui est encore une fois non positive. C'est une stat négative. C'est une stat qui indique aucunement ce que c'était le match parce que Montréal se devait de clairer, se devait de dégager son territoire, sa boîte, son périmètre. J'ai plus de synonyme. 25 fois. Donc, les stats importantes, c'est 24 tirs au but pour New York, qui est un nombre élevé. L'Impact ne devrait pas accorder 24 tirs au but. Oui, il ne cesse bloquer. Donc, c'est positif. Il en reste 18. C'est ces 18 tirs au but-là qui est le problème. C'est ces 18 tirs au but-là que Montréal a laissé New York avancer, reculer, se retrouver avec une chance de tir au but. Puis c'est là que Montréal s'est fait avoir. Montréal, les buts, c'est regarder les buts de New York. C'est pas des superbes buts de loin, non. C'est des buts de pression créée que les joueurs retournent, se retrouvent dos au gardien. 2-3 dans la boîte, ça passe, ballon qui revole. Ah! Un but. Créer une pression, un joueur en échappé, Crépeau est obligé de sortir. L'accroche. Penalty. C'est pas des efforts individuels de New York qui a battu l'Impact. C'est la pression constante, c'est l'avancement du ballon. New York est bon pour créer l'esprit de panique. Ils vous font paniquer dans la boîte. Oh, ils arrivent les mots. C'est un peu ce sentiment-là que New York est capable de créer sans arrêt. Cette pression-là envers les défenseurs, le porteur de ballon lorsque Montréal a la possession, qui était encore une fois 31,1%, mais ce chiffre-là est dicté par la pression constante de New York. Puis il y a un aspect du jeu de Jesse Marsh qu'on peut dire, c'est un peu Moneyball peut-être. C'est un peu plus college football de là quelques années avec genre Chip Smith. Okay? Lui, ça, on ne fera pas une analyse, là. Mais Chip Smith, je pense, son nom. En tout cas, lui, là, l'ancien coach de Philadelphia qui s'est fait congédier, puis de San Francisco qui s'est fait congédier, mais avec les Oregon State. Non, en tout cas, avec une équipe de la NCAA, ça c'est sûr, je ne me tromperai pas, il avait trouvé une stratégie d'utiliser le temps de possession plus. Donc, d'être sûr d'utiliser chaque seconde nécessaire au match. Si on regarde New York, il ne perd aucun instant à dialoguer avec l'arbitre, à perdre du temps au début de match, surtout pour les touches, les coups francs. Rapide, momentum, continue le jeu, il arrive un tac qu'on n'est pas d'accord, une décision qu'on n'est pas d'accord, c'est pas grave, on se concentre sur le jeu présent, on se concentre à continuer, on se concentre à ne jamais arrêter le jeu, à continuer cette pression-là. Puis ce que ça crée durant 90 minutes, au bout du compte, là, ces petits 2-3 secondes de plus qu'on gagne, qu'on fait un jeu de plus, qu'on fait 2-3 passes de plus, mais ça crée à la fin du match quelques occasions de marquer de plus. Au moins, des probabilités sont là. Ça augmente le nombre de probabilités de jeu si l'équipe, lorsque la possession, lorsque un coup franc ne gaspille aucun temps, aucune seconde, aucune minute. Mais au bout du match, ça crée 2-3-4 occasions de marquer. Ou 24 tirs au but. Donc, c'est quand même une façon différente de voir le coaching, mais Jesse Marsh apporte cette discipline du maîtrise de son émotion, du maîtrise du jeu, du maîtrise de garder son rôle, de garder sa partie à jouer. Si on regarde Philippe, qui a un rôle très sale, mais qui le fait très bien, mais il fait son rôle. Il plante les graines d'agressivité, de doute, de frustration dans l'adversaire. Puis au bout du compte, mais ça va coûter une faute de trop, une chance de marquer, un moment de panique, un moment de frustration. Donc, chaque joueur a son rôle avec New York. La preuve, il n'y a aucun joueur des Red Bulls au match des étoiles. Oui, il y a de la misère au début de saison, encore une fois, mais il n'y a aucun match des Red Bulls au match des étoiles, il n'y a aucun joueur. En cause que c'est un concept d'équipe. Puis on voit en série, souvent, mais en MLS, qui nous amène en série, la fin de saison, c'est ce qui est le plus important. Et pour les Red Bulls, s'ils continuent comme ça, je pense que les prédictions vont changer. Ils sont en train de grimper au classement, puis je ne serais pas surpris que d'ici la fin août, ils se retrouvent dans le top 3 de l'Est. Je ne serais pas surpris avec Chicago et Toronto. Peut-être pas dans la conversation pour le bouclier des supporters, mieux connu sous le nom du Supporter Shield, qui est le trophée donné aux gagnants de la saison régulière en Major League Soccer. Mais quand même, je pense qu'il pourrait arriver dans les séries des Red Bulls avec un momentum, puis cette fois-là, il ne se ferait pas arrêter par un Montréal, parce que de la manière que c'est parti, Montréal ne jouera pas en série. Plus que les semaines avancent et plus que les points sont laissés sur le terrain, moins que les probabilités de l'impact de grimper au classement sont présentes. Le classement est un peu trompeur. Oui, Montréal a quelques matchs en main, mais peu importe match en main ou non, il faut commencer à accumuler des points un jour ou l'autre. On est fin juillet, là. On est le 29, on tombe le 30 dans quelques heures. Le temps va commencer à se faire rare avant longtemps. Puis avant longtemps, c'est 2 semaines. Mi-août, on commence à parler au dernier stretch de la saison qui commence. Mi-août, septembre, octobre, oh, c'est le last stretch. C'est dans 2 semaines et demie, ça. Donc, l'impact, si l'impact veut changer sa situation au classement, le transfert est encore ouvert. Oui, il y a plusieurs rumeurs, fausses, vraies, solides, peut-être que oui, non, peut-être, je pense pas, on verra. Mais l'impact, est-ce que l'impact a besoin de nouveaux joueurs? Est-ce que l'impact a besoin de nouveaux vents, de fraîcheur? C'est difficile. Joe Saputo a mentionné durant la rencontre des membres, plutôt cette semaine, que l'investissement d'un troisième joueur désigné, c'est pas forcément prévu cette année, en tout cas. Parce que c'est difficile de poursuivre pour les plus petites équipes comme l'Impact de Montréal quand on regarde les super équipes que deviennent les Toronto de ce monde. Mais l'Impact a, sur papier, une meilleure équipe que sur le classement, selon plusieurs personnes. Il y a une chimie qui ne s'est pas installée encore en Dimali et Piatti, et il faudrait trouver la clé de ça. Pourtant, si on regarde les deux rôles préférés des joueurs, Piatti qui aime se pavaner vers la gauche, plus du milieu attaquant, Dimali qui peut trouver son chemin au milieu, son espace aussi. Je pense que c'est une question de temps, de forme, que les deux joueurs n'ont pas été encore sur le terrain pour un temps assez important pour juger la chimie potentielle, oui ou non. Mais il y a les autres joueurs aussi. Il y a d'autres joueurs qui ne performent pas selon leur plein potentiel, les Matteo Mancoso de ce monde. Lorsque Salazar est ton meilleur joueur depuis quelques matchs, mais on sait qu'il y a d'autres joueurs qui ne performent pas à leur plein potentiel. Les joueurs désignés pour l'Impact de Montréal ne performent pas comme les joueurs désignés. Nacho Piatti ne joue pas comme Nacho Piatti depuis plusieurs mois. Oui, blessure, oui, absolument. Mais est-ce qu'il y a des blessures plus importantes qu'on est au courant? Est-ce que c'est des setbacks? L'absence de Donadel ce soir aussi, c'est ça se voyait. C'était apparent. Et l'absence de Donadel, je pense que la pause du match, ben, pause. Match des étoiles cette semaine. En passant, on va être au match des étoiles cette semaine, présenté par Soccer Boutique, Passion Soccer Boutique, Laval, Vaudreuil et Saint-Léonard, ouvert 24 heures au passionsoccer.ca. Mais je pars lundi matin pour Chicago. On va couvrir, en parlant de moi-même, moi-même, là. Le lundi, j'arrive à New York. On va aller manger, premièrement. La première chose que je fais en arrivant à Chicago, c'est manger une pizza deep dish et de trouver un endroit pour manger un hot dog. Et apparemment, j'ai pas le droit de mettre du ketchup sur mon hot dog à Chicago. On va s'essayer parce que moi, de la moutarde, ben je suis pas capable. Donc, en arrivant à Chicago, mardi soir, ce qui est important, c'est le match des joueurs formés au club, mieux connu sous le nom du Homegrown. Le Homegrown Games, Balou devrait être présent si sa blessure d'aujourd'hui n'est pas importante. On va avoir plus de détails dans les prochains jours. Et mercredi soir, évidemment, les étoiles de la MLS contre le Real Madrid. Oui, mon but, c'est d'être présent durant une conférence de presse de Cristiano Ronaldo. Donc, on va voir si j'ai réussi mon but de 2017. J'avais déjà dit Didier Drogba. Ça s'est avéré plus facile parce qu'il est venu jouer à Montréal. Je voulais David Beckham, on l'a fait. On voulait parler à Don Garber, on l'a fait presque en conférence de presse l'année passée. Maintenant, Ronaldo, conférence pour les... on va être aux pratiques de Ronaldo. Il va sûrement s'adresser aux médias aussi. Donc, on va sûrement pas avoir la parole. Mais on va être dans les estrades et dans l'audience pour Cristiano Ronaldo et les joueurs du Real Madrid la semaine prochaine. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux à commercial Kev Laramé sur Twitter, facebook.com/Kev Laramé, Sports Podcasting Network, sur la transversale et tout ce que vous désirez, YouTube. La semaine prochaine, on va vous apporter un regard différent sur le match des étoiles, quelques activités aussi. Il y a toujours des activités entourant FIFA. On va aller voir notre ami Jorge Mendoza qui travaille pour FIFA de From the Backline, aussi Vancouver Podcast. On va aller voir Jorge, on va aller voir le kiosque FIFA, les activités. Donc, lundi matin, je prends l'avion, Chicago, et on va découvrir le match des étoiles, la MLS. Ensemble. Donc, je vous invite encore une fois de nous suivre sur les réseaux sociaux et je voudrais remercier Passion Soccer Boutique encore une fois pour leur commandite et pour être capable de nous permettre d'aller vivre avec Nacho, avec Balou, le match des étoiles. Mon nom est Kevin Laramé, encore une fois, et jusqu'à la prochaine fois, ben, en espérant des points au classement bientôt pour l'Impact, et jusqu'à la prochaine fois, bien, bon soccer!